Ok. Hey. Je viens tout niquer, parole de Sonic et au Maraca. Sonic Cara, je m'accroche au bled, sinon à Bana. Le but ici, c'est de faire du bif, du ralci. Dévaliser ce pays pour investir dans mon pays. Je te l'ai déjà dit, je suis pas une star. Les étoiles, c'est que dans le ciel. Seul Dieu est grand, n'est loin d'être éternel. 4x4 sous tout terrain, numéro 1 dans le style country. Non, y'a pas le drap, y'a pas le feu, mafia country. Donc je m'arrête pas, avance à grand pas. Chez nous, le dicton, c'est un peuple, un but, une fois, du sang d'esclaves dans les veines. Sans les traces de fouet dans le dos, à la Chaka Zulu. Fils de colon, une lance dans le dos. Plus personne se comprend, la vie est devenue un film chinois sans sous-titres. C'est fou, imagine Bernadette, Chirac sans sous-titres. On vient fourguer de l'espoir par conteneur. Le goût du sang dans la bouche, envie de mordre le monde, comme Eunice Barber. J'ai juré fidélité au drapeau vert, jaune rouge. Comme un sang, il porte mon peuple bouge. Parole de Soninke, l'Afrique n'est pas le maillon faible. Encore plus strong, marqué le coup, comme Neil Armstrong. Parole de Soninke, ça fait des siècles qu'on souffre. Mes frères et sœurs sortir du gouffre, pourquoi pas? Parole de Sonic, on sait ce qu'on a à faire. Et c'est un jaloux, nous barre la route. Expulsion sans relogement, la méthode Karcher. Les familles nombreuses rapatriées dans des charters, emmenées dans des conditions inhumaines. Scotch menotte les droits de l'homme bafoués. Une histoire de papier, juste une question, monsieur le ministre de l'Intérieur. Batral l'aimé, vos parents étaient-ils français? Djangal l'aimé, Ibabie. Des familles sont contraintes de dormir dehors ou dans des gymnases. C'est la haine qui sort à flot, mais on reste imperturbable. Garde le cap, on soutient le peuple. On est de Black Superman, même sans la cape. La force du baobab est dans ses racines. Si t'es à la recherche du passé et de nos souffrances, regarde racine. On comprendra à quel point nos cœurs s'endurcissent chaque jour, que le pays va mal, est à la limite du chaos chaque jour. À quel point ils ont du mépris pour des valeurs humanistes. Mon héros c'est Kunta Kinte, c'est pas Bruce Willis. Aïe. Ça représente quoi? 30 000 familles à régulariser sur 60 millions d'habitants. À peine 0,05%. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait des sans-papiers? On les rafle, on les déporte, on les saucissonne comme des chiens, on les tabasse pour les renvoyer dans leur pays d'origine. Hein? Pas bien! Et les enfants scolarisés, expulsés. Et les tirailleurs sénégalais. Tu te rappelles, hein? Quand ils ont défendu la France, qu'ils étaient au premier rang, même pas la retraite. Et les incendies dans le 13e et dans le 3e arrondissement, qui dormaient dans des gymnases, dehors. Qui venait les voir? Qui? Non, pas toi, pas toi. C'est pas toi qui venait les voir. Respect à toi, Almami, pour tout ce que tu fais. La France aimait là ou quittait là. C'est pas une question que la France on l'aime pas. C'est toi, toi, toi qu'on aime pas et ton gouvernement de merde. J'ai juré fidélité au drapeau vert, jaune rouge. Comme un sang, il porte mon peuple bouge. Parole de Soninke, l'Afrique n'est pas le maillon faible. Encore plus strong, marqué le coup comme Neil Armstrong. Parole de Soninke, ça fait des siècles qu'on souffre. Voir mes frères et sœurs sortir du gouffre, pourquoi pas? Parole de Soninke, c'est ce qu'on a à faire. Et c'est un jaloux, nous barre la route. J'ai juré fidélité au drapeau vert, jaune rouge. Comme un sang, il porte mon peuple bouge. Parole de Soninke, l'Afrique n'est pas le maillon faible. Encore plus strong, marqué le coup comme Neil Armstrong. Parole de Soninke, ça fait des siècles qu'on souffre. Voir mes frères et sœurs sortir du gouffre, pourquoi pas? Parole de Soninke, c'est ce qu'on a à faire. Et c'est un jaloux, nous barre la route. Aïe. Okobe 113. T'as reconnu la voix du Soninke aux yeux bridés. Ok, hey. Jamel à la top box. Aïe. Ok, mafia qu'un fric. Hein? Comment ça? Aïe. Ok. Mon copé 113. Hein? On présente pour l'Afrique de l'Ouest. On présente pour l'Afrique, un continent en or. La fierté africaine, mafia qu'un fric.